Ursus admirait Homo. On admire près de soi, c'est une loi. Être toujours sourdement furieux, c'était la situation intérieure d'Ursus. Et gronder était sa situation extérieure. Ursus était mécontent de la création. Il était dans la nature celui qui fait de l'opposition. Il prenait l'univers en mauvaise part. Il ne donnait de satisfecit à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Faire le miel n'absolvait pas l'abeille de piquer. Une rose épanouie n'absolvait pas le soleil de la fièvre jaune. Il est probable que dans l'intimité, Ursus faisait beaucoup de critiques à Dieu. Il n'approuvait guère que les princes. Il avait sa manière à lui de les applaudir. Un jour que Jacques II donna en don à la Vierge d'une chapelle catholique irlandaise une lampe d'or massif, Ursus, qui passait par là avec Homo, plus indifférent, éclata d'admiration devant tout le peuple et s'écria « Il est certain que la Sainte Vierge a bien plus besoin d'une lampe d'or que les petits enfants que voilà, pieds nus, n'ont besoin de souliers. » De telles preuves de sa « entre guillemets loyauté » et l'évidence de son respect pour les puissances établies ne contribuèrent probablement pas peu à faire tolérer par les magistrats son existence vagabonde et sa mésalliance avec un loup. Il voyageait librement, d'un bout de la Grande-Bretagne à l'autre, débitant ses filtres et ses fioles, faisant, de moitié avec son loup, ses momeries de médecin de carrefour, et il passait avec aisance à travers les mailles du filet de police tendu à cette époque par toute l'Angleterre pour éplucher les bandes nomades et particulièrement pour arrêter au passage les comprachicos. Du reste, c'était juste. Ursus n'était d'aucune bande. Ursus vivait avec Ursus, tête à tête de lui-même avec lui-même, dans lequel un loup fourrait gentiment son museau. Rester quelque part lui semblait de l'apprivoisement. Il passait sa vie à passer son chemin. Il ne souriait pas, mais il riait, parfois fréquemment même, d'un rire amer. Il y a du consentement dans le sourire, tandis que le rire est souvent un refus. Sa grande affaire était de haïr le genre humain. Il était implacable dans cette haine. Ayant tiré à clair ceci, que la vie humaine est une chose affreuse, il y a remarqué la superposition des fléaux, les rois sur le peuple sur les rois, la peste sur la guerre, la famine sur la peste, la bêtise sur le tout, ayant constaté une certaine quantité de châtiments dans le seul fait d'exister, ayant reconnu que la mort est une délivrance, quand on lui amenait un malade, il le guérissait. Il avait des cordiaux et des breuvages pour prolonger la vie des vieillards. Il remettait les culs de jatte sur leurs pieds et leur jetait ce sarcasme. « Te voilà sur tes pattes, puisses-tu marcher longtemps dans la vallée de larmes ?» Quand il voyait un pauvre mourant de faim, il lui donnait tous les liards qu'il avait sur lui en grommelant. « Vis, misérable, mange, dure longtemps. Ce n'est pas moi qui abrégerai ton bagne. » Après quoi, il se frottait les mains et disait « Je fais aux hommes tout le mal que je peux. » Les passants pouvaient, par le trou de la lucarne de l'arrière, lire au plafond de la cahute de cette enseigne, écrite à l'intérieur, mais visible du dehors, et charbonnée en grosses lettres, « Ursus, philosophe ».